Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par Devenir Entrepreneur, une plateforme web qui vous présente les défis et bonheurs du métier d'entrepreneur. Découvrez des entrepreneurs ambitieux et leurs stratégies de croissance à l'échelle locale et internationale en visitant devenirentrepreneur.com. Le balado commence dans 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la légende du jazz, Billie Holiday. Mais je retiens de tout ce qu'on a dit sur elle et de tout ce que j'ai entendu, une manière d'animalité, une qualité animale chez Billie Holiday, un monde de sensualité. En fait, Billie Holiday rejoint l'essentiel. C'est un peu l'univers du blues, ou si l'on veut, le domaine privilégié des très grandes douleurs et des très grands espoirs. En écoutant Gilles Courtemanche parler de Billie Holiday à l'émission Jazz décontracté en juin 1971, on en arrive à se dire que l'œuvre de Billie Holiday, au fond, a été le miroir de sa vie, mélange de grandes douleurs et de grands espoirs, vie de misère et de gloire à la fois. Et pour toutes ces raisons, et pour les raisons musicales qui entourent Billie Holiday aussi, elle est devenue une véritable légende. Hush now, don't explain. Just say you'll remain. I'm glad you're back. Don't explain. Living her life the way she wanted to live it. I don't think it was a case. Elle a vécu sa vie comme elle l'entendait. Elle n'était pas du genre à faire des choses qui ne lui plaisaient pas ou à s'en laisser imposer par qui que ce soit. Elle a fait tout ce qu'elle a fait parce qu'elle était Billie Holiday, tout simplement. She did because that's she was Billie Holiday. And that's it. Don't explain. Billie Holiday interprétant le classique « Don't Explain » en 1945. Vous entendiez également dans cet extrait le contrebassiste John Levi parler de Billie Holiday dans le documentaire de la BBC « Billie Holiday, Sensational Lady » qui a été diffusé à la télé britannique en 2001 pour nous présenter la grande, l'unique Billie Holiday, le grand, l'unique Stanley Péan. Oh, tout de même, Jacques. Animateur de « Quand le jazz est là ». Merci d'être là, Stanley. C'est toujours un plaisir, surtout dans ce cadre-là. Oui, parce que Billie Holiday, pour vous, c'est non seulement votre chanteuse de jazz préférée, c'est votre chanteuse préférée tout court. Pourquoi? D'abord, c'est l'intensité de l'émotion, la qualité de l'émotion lorsqu'elle incarne, c'est le cas de le dire, quand elle incarne une chanson, la chanson lui entre dans le corps et elle la vit complètement, même quand ce ne sont pas des chansons autobiographiques. Don't Explain en est une, c'est elle qui a signé le texte et ça raconte l'infidélité de son mari de l'époque. Mais même quand ce ne sont pas des chansons autobiographiques, on a l'impression que ça lui est arrivé à elle parce qu'elle a une manière de comédienne, ouais, de vivre les mots et de les placer sur donc la sa musique. Qualité d'interprète. Sa qualité d'interprète. Plus que de chanteuse. À certains égards. C'est-à-dire que oui, c'est du chant, mais c'est très proche de la narration. C'est pas quelqu'un qui va se lancer dans des audacieuses hautes voltiges vocales comme Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughan, ses contemporaines. Ouais. Elle a une manière très intériorisée. Elle aura une influence très grande, par exemple, sur un Frank Sinatra, qui est un peu comme elle. C'est pas quelqu'un qui chante en improvisant et tout. C'est quelqu'un qui vit le texte. Elle aura une influence aussi sur quelqu'un qui a été son directeur musical dans les années 50, Miles Davis. Quand on écoute comme il faut le phrasé de Miles, il y a ça, cette espèce de retenue, cette espèce d'intériorisation de la musique et de l'émotion qui va avec les notes. Ouais. Sa place, cela dit, vous évoquiez de grandes chanteuses, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald. Bon, c'est votre préférée à vous, mais je dirais, les jazzophiles, on la place où, Billie Holiday? Bien, on parle toujours, quand on parle de chant jazz classique, de la Sainte Trinité que formaient ces trois-là. Billie Holiday qui est arrivée d'abord, qui a été suivie de très près chronologiquement par Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan. Ce sont donc les trois plus grandes chanteuses de leur époque, celles qui ont eu la plus grande influence sur le développement du jazz vocal. Parce qu'il y avait d'autres chanteuses avant qui étaient des chanteuses quelque part à cheval entre le blues et le jazz, entre la musique populaire et le jazz. Mais là, Ouais. Jazz, vraiment, au niveau du phrasé, au niveau de la manière d'improviser. Billie Holiday ne scatte jamais, contrairement à Sarah Vaughan ou Ella Fitzgerald. Ouais. Mais sa manière de déplacer l'accent tonique, de déplacer l'intérêt sur un mot ou sur une syllabe, c'est totalement dans la lignée de ce que font les instrumentistes de jazz. Et trois géantes égales, c'est ce que je comprends. D'habitude, les historiens s'entendent que ce sont les trois plus importantes. Ce qui est fascinant, ce qui distingue probablement, à certains égards, en tout cas, Billie Holiday des autres, c'est sa vie. Je le disais d'entrée de jeu, c'est à la fois une vie de gloire, de sommet, mais de bas-fond aussi, de douleur, de désespoir, d'espoir et de désespoir. Commençons par son enfance. Enfance très, très difficile. Enfance très difficile, elle vient d'un milieu très, très modeste. Ouais. Ses parents sont adolescents quand ils l'ont. Le père a 15 ans, la mère en a 12 et il s'en occupe pas. Le père ne reconnaîtra jamais Billie Holiday. C'est un musicien de jazz, un guitariste de jazz qui avait, adolescent, qui a eu une aventure comme ça. Il ne va pas reconnaître la fille, même si il aura à la présenter aux gens. Il sera très fier d'elle quand elle va commencer à devenir une vedette. La mère, qui vit de petits métiers, fait des ménages, se prostitue, va la confier à des tantes, à la grand-mère. Et donc, elle va passer les premières années de sa vie sans ses parents, avec aucun contact ou presque, jusqu'à ce que sa mère la fasse venir à New York vers la fin des années 20. Elle-même est adolescente à ce moment-là, va faire elle aussi des petits ménages et va connaître aussi la violence. Elle sera agressée sexuellement, elle sera placée dans des institutions là, pour délinquantes, comme si c'était elle la coupable là-dedans, et elle va se prostituer au sortir de cela. Parce que c'est ça le milieu dans lequel elle atterrit à New York, là, autour de 10-11 ans. Sa mère se prostitue. Oui. C'est une maison close. Sa maison, c'est une maison close, en exactement. Quelque sorte. Exactement. Et tantôt, on disait qu'elle a une vie plus dramatique. C'est quand même une vie assez typique d'une certaine classe de jeunes femmes noires de cette époque-là. Oui. Ella Fitzgerald aussi a eu une vie difficile, mais ça paraît moins dans sa musique, disons. Oui. C'est à New York, donc, qu'elle va commencer à chanter. Parlez-nous de ses débuts sur scène, Stanley Péan. Elle travaille dans les petits restaurants, elle va se mettre à chanter. Elle sera chanteuse à pourboire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas payée pour chanter. Mais les clients qui sont enthousiasmés par sa manière de faire les quelques chansons qu'elle fait, de manière très maladroite encore, vont la payer. Elle va commencer donc à avoir un certain succès et elle va adopter à ce moment-là le nom de famille de son père, Holiday, donc, et Clarence Holiday, le guitariste. Et elle va choisir le prénom d'une actrice qu'elle aime, une actrice blanche du cinéma muet de l'époque, Billie Dove. Donc, elle devient Billie Holiday plutôt que son nom légal, c'est Eleonora Fagan, de la fille donc de Sadie Fagan. Et c'est un peu son père qui commence à la présenter à droite et à gauche. Elle va rencontrer des musiciens, mais c'est aussi beaucoup son talent qui fait qu'elle va se lier d'amitié avec des musiciens qui vont l'adopter comme une petite mascotte et qu'elle va se joindre à différents groupes. Et comme toujours, en fait, c'est les rencontres qui font souvent les grands destins. Et elle, il y aura une succession de rencontres importantes dans sa vie. La première, elle l'a fait en 1933, cette première rencontre importante, celle qu'elle fait avec John Hammond. Qui est-il, John Hammond, et pourquoi ça va être si important pour Billie Holiday, cette rencontre-là? Il est dépisteur de talent et producteur pour la Columbia. Et juste pour vous dire, c'est pas seulement Billie Holiday, c'est le type qui a découvert Benny Goodman, c'est le type qui découvrira Bob Dylan, Bruce Springsteen. C'était une sommité en musique populaire américaine. Et donc, lui, l'entend chanter par hasard dans un club et très rapidement va lui ouvrir les portes des studios de la Columbia en l'entourant de musiciens qui sont la crème de la crème, qui sont en train de monter, notamment Benny Goodman, qui va l'adopter, elle, dans son orchestre. C'est le clarinettiste Benny Goodman, chef d'orchestre, qu'on va très bientôt qualifier de roi du swing. I wish on the moon for something I never knew. Wished on the moon for more than I ever knew. A sweeter rose, a softer sky on April day. That would not dance away. I begged of a star. Billie Holiday interprétant la chanson « I Wished on the Moon » lors du désormais célèbre enregistrement du 2 juillet 1935. Ce jour-là, Billie Holiday, Stanley Péan, participe à une session d'enregistrement avec le pianiste Teddy Wilson, le clarinettiste, vous en parliez, Benny Goodman, et le saxophoniste Lester Young. Pourquoi cette session-là? On dit que c'est une session historique. C'est historique parce que c'est ce qui va la révéler. C'est aussi ce qui va révéler sa complicité avec ces musiciens-là. Teddy Wilson sera longtemps son pianiste de préférence. Il la fera chanter dans son groupe à lui. Teddy Wilson, qui est aussi pianiste avec Benny Goodman. Et puis, Lester Young. Ouais. Lester Young, c'est celui qui a imposé cette manière de jouer le saxophone, qui s'opposait au gros son de saxophone de Coleman Hawkins. C'est une manière de flotter au-dessus des accords. C'est très, très aérien. Ça préfigure ce qu'on va appeler plus tard le cool jazz. Ouais. Et il est son partenaire, pas dans la vie, mais musical, un partenaire vraiment privilégié. On l'a entendu faire des arpèges, des contrechants derrière elle. Il va être super important pour elle. Super. C'est lui qui va la surnommer Lady Day, parce qu'il ouais. lui trouve une sorte de grâce. Et en échange, elle le surnommera The Prez, le président des saxophonistes ténors. Ils vont suivre pendant des et années. Ils vont se suivre pendant des années. Ils auront un petit froid, puis ils vont se retrouver à la télévision en 1957 à CBS, une émission où tout simplement on voit une sorte de jam session. Il n'y a pas de narration, il n'y a pas ouais. d'animation. On laisse les musiciens aller. À un moment donné, pendant un blues, on voit leurs regards se croiser. C'est de toute beauté, les retrouvailles de Billie Holiday et de Lester Young. Cette séance lui a rapporté 35 $, Billie Holiday. Aïe, aïe, aïe. Hein, 35 $, mais c'était énorme à l'époque quand ouais. même. Et donc, elle va continuer après ça de chanter dans les clubs. Elle sera, comme je dis, elle va tourner un peu avec Benny Goodman. Elle aura une très brève aventure avec lui. C'est une bonne vivante, on dira ouais. ça comme ça. Et elle va chanter dans les clubs, notamment parce que John Hammond lui trouve des engagements. Et elle aura presque une résidence dès la fin des années 30 au Café Society ouais. de New York. Elle y chante presque tous les soirs. Et c'est là qu'elle est en train de devenir une vedette. Ouais. Mais juste avant, parce que le Café Society, on va y revenir, ce sera très, très important. Puis on va l'associer à un de ses grands, grands classiques, Strange Fruit. On en parle dans un instant. Mais une petite parenthèse pour parler de son expérience avec deux grands orchestres, parce que ça va être important aussi pour elle. Puis ça va expliquer ce qui viendra, Strange Fruit, entre autres. Mais comment ça se passe avec Count Basie? Elle va chanter dans l'orchestre de Count Basie. L'orchestre de Count Basie, dont le soliste vedette, c'est Lester Young. Donc, ouais. on voit l'espèce de connexion qui se fait là. Puis c'est une machine à swing assez impressionnante. C'est bon, on danse au son de la musique de Count Basie. Puis on associe beaucoup, peut-être trop, Billie Holiday à des ballades langoureuses, à des complaintes, à des blues, mais elle chantait aussi ouais. Des chansons enlevées, très pimpantes, et le son de sa voix, je ne sais pas si on a pu le remarquer tout à l'heure, il y a quelque chose de cuivré dans le son de sa voix. Ouais. Elle chante un peu comme son idole joue de la trompette, c'est-à-dire Louis Armstrong. Il y a quelque chose chez elle qui veut être dans la lignée de Louis Armstrong, mais de manière vocale. Et puis après, donc, cette participation à l'orchestre de Count Basie viendra celle qu'elle aura pendant quelques mois, quelques années peut-être. Oui, avec Artie Shaw. Avec Artie Shaw. Just the asking, darling, any old time you need me, I'll be there. With love that's lasting, darling, all through the years we'll stand together, sharing the tears and stormy weather and the sunshine. We'll be yours and mine. Billie Holiday chantant Any Old Time avec l'orchestre de Artie Shaw en 1938. Elle va tourner avec l'orchestre de Artie Shaw, Billie Holiday, Stanley Payant, et ça va être une expérience importante, mais dure pour elle. C'est là qu'elle découvre le racisme et l'ampleur qu'a le racisme dans son et pays, elle le dans le sud des États-Unis. Concrètement, ouais. Il y a du racisme à New York, il y a du racisme partout aux États-Unis, mais dans le Sud, c'est autre chose. On est chez les esclavagistes, on est chez ceux qui lynchent encore à cette époque-là. Et donc, elle a connu, tant quand elle était chez Benny Goodman que quand elle était avec Artie Shaw, cette ségrégation conduite douce, mais elle n'est pas si douce que ça. Si l'orchestre arrive, les musiciens blancs peuvent entrer par l'avant et elle doit passer par la porte des domestiques. Ouais. Même si elle est la vedette, la chanteuse vedette, elle n'a pas accès et donc quand elle ne chante pas, il faut qu'elle soit dans les loges, elle n'a pas accès à la salle, elle ne peut pas se mêler à la clientèle blanche ouais. parce qu'elle est considérée donc comme une demi-citoyenne. Et elle en aura assez, elle va claquer la porte de l'orchestre et elle va rentrer à New York. And now I'd like to sing a tune. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. I do hope you like it. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. En 1939, Billie Holiday donc s'installe au Café Society, on en parlait il y a un instant, Stanley Péan, dans Greenwich Village, où elle chante chaque soir, ce qui deviendra sa célèbre version de la chanson Strange Fruit. La version qu'on vient d'entendre, c'est celle de 56, mais au fond, cette chanson-là... Voilà, suivre toute sa carrière. Voilà. Pourquoi? Racontez-moi, c'est important, cette chanson-là. Racontez-moi l'histoire de la chanson. C'est la première protest song du jazz. C'est une chanson donc écrite par ce professeur d'école secondaire, Abel Miropol, qui la signera tout de même d'un pseudonyme, Lewis Allen. C'est une chanson qui décrit de manière clinique, de manière froide, de manière épouvantable ce que c'est qu'un ce fruit qui pend au bout des branches des arbres dans le sud des États-Unis. C'est le corps d'un noir en train de se décomposer, livré aux intempéries, livré aux corbeaux qui viennent en arracher des morceaux, un corps mutilé, brûlé. Et donc, c'est ça, cet étrange fruit qui est une tradition galante du Sud, dit la chanson. Et Abel Miropol, qui l'a d'abord chanté, lui, dans des petites assemblées syndicales et tout ça, c'est un gauchiste très impliqué. Il l'a coécrite avec sa femme, Laura Duncan, qui est une chanteuse. Mais il l'offre à Billie Holiday en lui disant « Elle est pour vous, cette chanson-là. » Billie Holiday la trouvait tellement que c'était pour elle. Elle l'adopte contre les recommandations de John Hammond, qui lui dit « Non, c'est pas une bonne idée. » Même que la Columbia va refuser d'enregistrer Strange Fruit en disant ça. C'est d'abord, on va s'aliéner le public du Sud. Ça la rend sulfureuse, ça la rend suspecte. Le FBI la surveille. C'est une chanson subversive, c'est vicieuse, qui encourage presque à la révolte. Et donc, mais elle aura une procuration de la part de son label qui va lui permettre de l'enregistrer pour un plus petit label, Commodore, qui avait envie de faire le risque et qui a enregistré quelques plages avec Billie Holiday et Lester Young et des gens de l'orchestre de Count Basie, ses amis. La pièce Billie's Blues qu'on vient d'entendre témoigne de la descente aux enfers qu'elle va vivre, Billie Holiday, pendant les années 40, Stanley Péan. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle est à la fois au zénith de sa carrière à ce moment-là, mais que dans sa vie personnelle, c'est la catastrophe complète. C'est la catastrophe totale. Elle a quitté Columbia, allé chez Decca avec un contrat très lucratif. Elle fait 1000 $ par semaine. Elle fait énormément d'argent, mais tout cet argent passe à payer pour les caprices de ses hommes. Il y en aura plusieurs. Et la drogue qu'elle partage avec eux, c'est elle qui va payer beaucoup pour l'héroïne à ce moment-là. On n'est plus dans la marijuana ou l'alcool, là, c'est l'héroïne. C'est devenu quelque chose de très dur, qui est très dur pour le corps, très dur pour la voix aussi. Et cet éclat cuivré, cet éclat qui rapprochait sa voix de la trompette de Louis Armstrong va s'amenuiser. Elle aura une voix de plus en plus éteinte, de plus en plus mate. Ouais. Et elle continue à avoir des succès, mais elle se fait arrêter pour possession et usage de stupéfiants. Elle se voit révoquer sa carte de cabaret, sans laquelle on ne peut pas jouer dans les clubs de New York. Donc, il faut qu'elle aille jouer ailleurs. Puis Billy's Blues, c'est aussi comme Don't Explain au début de l'émission, c'est les la hommes. Violence conjugale. C'est les hommes qui la battent. Elle a chanté Mon homme en anglais, cette chanson française très célèbre associée à Piaf et à d'autres. Donc oui, c'est la violence, c'est l'infidélité, c'est tout ce qui l'enrage. En même temps, elle se cantonne dans une sorte de rôle de victime. C'est ce qu'elle projette beaucoup dans les chansons, alors qu'elle est plutôt une battante. C'est quelqu'un qui s'en laisse pas imposer. Le contrebassiste le disait tout à l'heure, elle était Billie Holiday, elle savait sa valeur. Mais en même temps, il y a cette espèce de conjoncture qui fait que, bon, elle peut plus jouer à New York, elle va partir en tournée en Europe, elle va être acclamée en Europe, mais ouais. Elle revient à New York, c'est toujours le même problème. Ouais. La police la suit, la police la harcèle en se disant, bon, cette femme, elle est, il faut la dompter. Ouais. Les années 50, là encore, c'est plus tout à fait le zénith, c'est le début du déclin, mais il y a des moments de fulgurance en même temps que... sur le plan vocal, la voix commence à foutre le camp. Comment décrire cette décennie des années 50, Stanley Perry? Elle est entourée des meilleurs musiciens de l'époque, comme d'habitude. C'est des Oscar Peterson, c'est des Jimmy Rolls qui l'accompagnent au piano, c'est Cal Waldron. Ce sont des grands musiciens qui jouent avec elle. Elle retrouve ses anciens complices, les Ben Webster, les Lester Young. Donc, les disques sont, sur le plan du jazz, ils sont extraordinaires pour les instrumentistes qui s'y déploient. Et il y a cette voix qui faiblit, cette voix qui est plus hésitante. Il y a toujours du swing chez elle. Ouais. Elle a encore son sens du tempo qui fait qu'elle peut encore être intéressante parce que c'est sa manière, encore une fois, de placer la moindre syllabe sur la moindre note qui dit « Ah, c'est Billie Holiday ». Non seulement c'est Billie Holiday, mais elle nous émeut. On prend une chanson, par exemple, « I hadn't anyone till you », chantée par elle ou par Ella Fitzgerald. C'est comme si le texte ne voulait plus dire la même chose. Ouais. Quand Ella la chante, tu dis « Ah, j'avais personne et tu es là », alors que quand c'est Billie Holiday qui la chante, c'est « Mon Dieu, que j'ai été seul longtemps ouais. ». C'est l'intention qui n'est pas la même. Ouais. Elle meurt dans cette décennie des années 50, à la fin de la décennie en 59, 44 ans seulement. Mort, racontez-moi ça, mais c'est assez hallucinant. Elle est très, très malade. La police est assez trousse. La police est assez trousse. La police vient faire des perquisitions dans sa chambre d'hôpital à la recherche de la drogue pour laquelle l'arrêter, la menotter à son lit. Bon, on peut la laisser mourir tranquille, mais non, pas vraiment. Et en plus, elle est d'une tristesse à ce moment-là. Lester Young est mort très peu de temps avant elle, donc elle s'en va tranquillement. Elle sent que son monde est en train de décroître, alors qu'elle avait fait un disque qu'elle considérait comme une sorte de sommet dans sa discographie. Lady in Satin, on lui a offert, elle était de retour chez Columbia, on lui offre un orchestre à cordes. Elle voulait chanter avec des violons et tout ça. Puis c'est Ray Ellis qui dirige. C'est somptueux, un peu sirupeux, un peu hollywoodien, ouais. Mais c'est somptueux. Et elle qui domine tout ça. Mais en même temps, quand on entend les discussions entre les prises sur les plus récentes éditions, on l'entend qui cherche sa place dans cette musique. On sait que puisqu'elle ne peut pas utiliser la drogue qui la calmait, ouais. Elle vide une demi-bouteille de gin avant de commencer une séance d'enregistrement. Ouais. Vous l'avez évoqué, vous avez évoqué quelques noms, entre autres celui de Sinatra, mais pour terminer cette émission, sur le plan de son héritage, est-ce qu'il y a des gens, des héritiers directs? Mais déjà à son époque, elle côtoyait Carmen McRae, qui était pianiste et chanteuse de jazz et qui a été non seulement son amie, mais très influencée par elle. Et si on pense à Madeleine Perroux, qui est une chanteuse contemporaine, elle commence à se détacher de l'influence de Billie Holiday. Les premiers disques, c'était frappant, le même phrasé, le même thème de voix. Et si on va ailleurs que dans le jazz à proprement parler, du côté de la musique soul, Macy Gray, pour moi, a subi l'influence de Billie Holiday. Ça s'entend très bien, ouais. En particulier quand Macy Gray chante des standards. Elle était pour vous, celle-là, Stanley Péan. Oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Stanley Péan, animateur de l'émission Quand le jazz est là à Ici Musique. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Mama made hair, papa made hair, but God bless the child that's got his own.